et tu établis le rocher des sages. Vous marchez d'un pas ferme. Vous marchez d'un pas ferme. Et à la joie de vivre, rien ni personne ne peut donner. Le seul toi peut donner. À toi seul le bonheur. Seigneur Jésus-Christ, à travers toi. Oh Dieu, pendant que nous sommes à genoux devant toi, permets-nous, Seigneur, chacun d'entre nous de détecter, Seigneur, tout ce qui constitue et qui favorise le handicap dans notre mariage avec toi. Tout péché, Seigneur, caché, concerne une bonne chance. Seigneur, permets-nous de réaliser la laideur des péchés, Seigneur, qui nous accablent et qui témoignent contre nous devant de toi. Tous ces péchés sur lesquels les débuts de nos âmes, Seigneur, s'appuient au milieu de ta chose, nous appuient devant toi. Père, permets-nous, Seigneur, je prends conscience. Je prends conscience de la puissance de ces péchés. Oh Seigneur Jésus-Christ, tous ces péchés au univers qui t'empêchent de trouver durablement, Seigneur Jésus-Nazareth, ton domicile dans nos cœurs. Oh Dieu, permets-nous de rendre la puanteur. Et que Seigneur, éprouvant une tristesse selon Dieu, nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, parvenir à une repentance. Seigneur, éprouvant, Seigneur, cette tristesse. La tristesse de laisser encore le péché dans la grâce. La tristesse de laisser encore traîner le péché dans la vie. Et puis, Seigneur Jésus, allez véritablement sur mes genoux, tant physiquement que dans le cœur, Seigneur, parvenir à une vraie repentance. La repentance, Seigneur. Oh, permets-moi, Seigneur, de parvenir à cette tristesse selon Dieu qui produit la repentance. Seigneur, je te prie de nous permettre de parvenir à ce niveau de tristesse. Seigneur, et de quitter cette repentance intellectuelle et superficielle au-dessus de ça. Seigneur, quitter cette repentance superficielle au-dessus de ça qui ne nous donne pas de rester quand une autre occasion se présente. Et que tu me retrouves encore en lui, Seigneur Jésus-Christ. Tu es celle ou de la convoitise, ou de l'orgueil, ou du mépris. Oh Dieu, et puis Seigneur, parvenir à l'humilité. L'humilité là qui t'a caractérisé, t'amenant à quitter ton trône de gloire. Oh Dieu, je descends cet terre misérable. Vivre au milieu d'une génération qui ne mérite rien d'autre que la condamnation éternelle que tu as accepté qui est ta gloire. Tu m'humiliant, Seigneur, descendant jusqu'à cette terre sainte, te laissant aller, Seigneur, martyriser, lapider, insulter, déshonorer, pour te laisser installer cette gloire. C'est abominable quoi, à cause de l'énorme de péché. Oh Dieu, Seigneur, je cherche, Seigneur, je cherche, Seigneur Jésus. Oh Dieu, Seigneur, permets-nous de trouver, Seigneur Jésus. Permets-nous de trouver, que toi qui es dans ce Seigneur Jésus, nous puissions te présenter, Seigneur Jésus-Christ. Les sacrifices de louange que tu as fait. Les sacrifices de louange, Seigneur, qui sont comme un parfum de bonne odeur devant toi, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, dans le seul bénédiction, dans le seul bénédiction de l'adoration, dans le seul bénédiction de l'adoration, et Dieu, tu voudrais te magnifier. Oh, Jésus, dans le louange, Seigneur, souviens-toi, Seigneur, que tu devant ton Dieu, pour que tu aies devant toi le sang de toi. Et nous aussi pouvoir me joindre, Seigneur Jésus-Christ, aux anges, à ceux-là qui procèdent jour et nuit devant toi d'abord. Seigneur Jésus-Christ, Nazareth, pendant tant que Seigneur Jésus-Christ inspiré dans vos Seigneur, pour voir aussi bien pour me joindre, Seigneur Jésus-Christ, Nazareth, à la merci de Dieu dans ton règne. N'hésite pas, dans l'attente de ce jour-là, ou dans ton félicité, Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, pour nous conseiller, pour nous jour et nuit. Je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher.